Ça c'est VG, tu me gagnes, oh. Ça c'est VG, tu me gagnes, oh. Si tu veux de moi, tu m'as dit accroche-toi, sinon tu vas t'essouffler. Tous ceux qui étaient là avant toi n'ont pas eu le choix, ils ont abandonné. Tu m'as dit si tu veux de moi, VG, tu m'accroche-toi, sinon tu vas t'essouffler. Mais moi je viens de gagner, si tu veux renseigne-toi, je peux pas me décourager.